J'ai marché dans les flaques d'eau. Je suis trempé jusqu'aux os. Oulalala. J'ai les pieds tout mouillés. Et mes chaussures, je ne peux les sauter. Car je pue tes pieds. Accrocher une pince à linge au bout de votre nez, car je pue des pieds. Ouvrez la fenêtre, ce serait dommage de sentir mon odeur de fromage. De polluer l'atmosphère avec mes odeurs de camembert. Tu sais pourquoi, mais je te dis parce que je pue les pieds. J'ai pu les pieds. Accrocher une pince à linge au bout de votre nez, car j'ai plus les pieds. Ne vous plaignez pas, ce serait pire si ce n'était mes pieds qui transpirent. Ce serait mon beau petit dé. Et puis du cuir, c'est vraiment la galère. Mais non, c'est pas ça, non. C'est pas ça, non. Oh, je pue bien. Je pue des pieds. Accrocher dans sa linge au bout de votre nez, car je pue des pieds. Au bout de la fin.